fait-il dans votre ville? Chez moi il pleut, chez moi il pleut sans arrêt. Je me promène au bord de Seine. Je pense à vous, je pense à vous sans arrêt. Quand viendrez-vous voir mon Paris? Quand viendrez-vous partager mon amour et puis ma vie? Oh, je sais bien, je suis trop jeune, mais ça fait rien. Non, ça fait rien. Je vous aime. Tout est si gris sous cette pluie. Et mon Paris pleure d'ennui. Lui aussi. Mais votre main, un jour prochain, viendra tirer l'enfant pour l'emmener loin, loin vers l'été. Je me promène au bord de Seine. Je pense à vous, je pense à vous sans arrêt. Quel temps fait-il dans votre ville? Chez moi, il pleut. Chez moi, il pleut sans arrêt.